7.1 Le moteur Gnome et sa lubrification à l'huile de ricin. Tram, l'huile utilisée pour la lubrification des moteurs Gnome n'était pas de bonne qualité. En conséquence, les moteurs grippaient rapidement. Louis Polan, pilote sur avion Farman, survole les champs lors de meetings aériens et remarque que les batteuses à la campagne ne grippent jamais. Il demande pourquoi et on lui répond que ces matériels sont lubrifiés à l'huile de ricin. Il en achète 5 litres à un pharmacien qui lui demande s'il a à purger un régiment. Cette huile, qui résiste au choc thermique, convient parfaitement aux moteurs rotatifs. En revanche, ces moteurs ne sont jamais parfaitement étanches et le pilote situé à l'arrière absorbe un mélange d'air chaud huilé. C'est la raison pour laquelle, à cette époque, on voit toujours les pilotes équipés de lunettes et d'une écharpe, pour essuyer les lunettes.